c'est l'heure. Mets-toi en route, voyageur. Des terres inexplorées t'attendent, tu vas les connaître. Tu t'es aventuré tant d'années sur les mers, où tu as lu ta vie dans les lignes des cartes. Quel est ce désir qui fait tanguer ton cœur? Quels sont les marées qui volent ton sommeil? Insoucieux des tempêtes, tu as su garder ton cap. En route, voyageur, c'est le jour et c'est l'heure. Ta voile à la corne du vent, des terres inexplorées t'attendent et tu vas les connaître. Pars et va trouver en suivant les courants la mystérieuse étoile que tu sens t'appeler. Où mal dans notre peau. amour, faut lâcher le morceau. Plus besoin d'ailleurs, plus besoin de s'accrocher, plus besoin d'être à l'heure. Le temps n'est plus compté, juste besoin d'un passeport. Si elle parle de l'au-delà, c'est à cause d'un artiste qui chantait dans les rues. I'll be alright someday, ça sera super un jour. Lui au moins je l'ai cru, juste parce qu'il y croyait. C'était un vieillard noir. Il y avait plus que d'espoir. Et les blancs l'écoutaient. Il les appelait frères en grattant sa Gibson. Avec l'octogénaire, il voyait mieux personne. Est-ce que tu comprends ça? Je veux plus de combat.

Bonjour à tous, c'était bien sûr Stanley Clark, le grand bassiste que vous connaissez. Et ouais, c'est le Festival de Loire. Et nous sommes vraiment heureux cet après-midi, mercredi. Mercredi d'ouverture pour quelques jours jusqu'à dimanche. Nous allons passer quelques jours de bonheur. Si les airs de fête, la Loire et nous, c'est la même chanson. L'accordéon, la guitare, la bouteille, là les outils qui nous aident à chanter. Notre carburant, c'est le jus de la treille. Merci à nos vignerons d'à côté. Chante ma Loire, emmène tes vignardes sur les fûts trop vogue les mariniers. Danse ma Loire, t'es belle comme une femme. Dans le Génois, on a le cœur gai. Dans le Génois, on a le cœur gai. Elle danse vite ou qu'elle chante en sourire. Roule bien fort ou glisse doucement. On les connaît, ces caprices de Camille. C'est notre Loire et on est ses amants. Parfois tenant entre ses bras les îles, elle met sur les rives ce sable si fin. Donne aux pêcheurs des petits coins tranquilles et au poteau la confiance en son vin. Chante ma Loire, on aime tes filles galardes sur les fûts trop vogue les mariniers. Danse ma Loire, t'es belle comme une femme. Dans le Génois, on a le vin gai. Dans le Génois, on a le vin gai. Si vous trouvez qu'on ressemble à la Loire, un peu poète et un peu garde-vent, venez nous voir si vous ne voulez pas croire qu'ensemble on va passer de bons moments. Chante ma Loire, on est des filles galardes sur les fûts trop vogue les mariniers. Danse ma Loire, t'es belle comme une femme. Dans le Génois, on a le cœur gai. Dans le Génois, on a le cœur gai. Des villes et des bourgs d'Hivernaises, Nantaises, accourez dans vos fins à tour vers les Orléanaises, toutes les belles de sur l'eau du pays va au pays haut. Venez, belle marinière, venez aux douces, vos yeux charmants, de par toute la rivière, l'amour au bateau vous attend. L'amour au bateau vous attend, Hivernaise, Nantaise, dame jolie au cœur si grand, belle Orléanaise, accourez tout au bord de l'eau, montez, montez sur nos bateaux. Venez, belle marinière, venez vite en nos bras puissants, venez sans faire de manière, les mariniers sont bons amants. Les mariniers sont bons amants, Hivernaise, Nantaise, ils ont le cœur si tant aimant, belles Orléanaises, qui vous feront bien chavirer, vous ne pourrez plus les quitter. Venez, belle marinière, venez vous coucher dans nos bras, ne soyez donc pas si fiers, jusqu'au plaisir on vous mènera. Jusqu'au plaisir on vous mènera, Hivernaise, Nantaise, vous croyez donc qu'il nous faut ça à nous. Au cœur on n'en peut pas nier, on a ce qu'il faut dans notre pays. On n'est pas des marinières, les mariniers c'est pas pour nous. Moi au fond de ma chaumière, j'ai un galant qui est si grand doux. J'ai un galant qui est si tant doux, Hivernaise, Nantaise. Il faut nous dire des mots si doux, à moi l'Orléanaise. J'ai pas besoin d'un marinier qui est si longtemps à naviguer. Non, jamais marinière, prenez notre longueur léger. Une fille qui sait pas trop fière pour s'enrichir d'un marinier. Pour s'enrichir d'un marinier. ce sont les fils Garland. Alors excusez-moi pour le petit blanc, mais j'avais oublié ma foi que arc-en-ciel, c'est comme sur les futaux, tout se fait à la main. Alors on y va. Fait débarquer sur un quai d'un port d'Angleterre, j'ai rencontré un vieux cavalier et tiré une bordée à l'air. Ce vieil ivrogne de charpentier de bord, tout courbé vers l'huile de ses mains, l'avait fait des cercueils pour les morts et des bateaux pour les marins. Il m'a raconté toute sa vie, la mer qu'il traînait avec lui, partout sur toutes les mers du monde, avec sa scie et sa queue la ronde, qui ne touche pas au grand oiseau blanc. C'est l'âme d'un commandant, celui qui tue le goéland, tient la mort entre ses dents. Je peux pas vous dire ce qu'il m'a raconté, on s'est saoulé comme des hommes, on s'est trouvé une jolie trouvée, une chouette femme, un vrai majordome. Ce vieil ivrogne de charpentier de bord, tout courbé vers la ville de ses mains, l'avait fait des cercueils pour les morts et des bateaux pour les marins. On est parti droit dessus, droit dessous, tous les trois plus un vieux lit de chine, vers un bar de la rue de Manchou, là où c'est l'ambiance des marines, qui ne touche pas au grand oiseau blanc. C'est l'âme d'un commandant, celui qui tue le goéland, tient la mort entre ses dents. Ce vieil ivrogne de charpentier de bord, tout courbé vers l'île de ses mains, l'avait fait des cercueils pour les morts. Eh oui, les conditions de travail sont quelquefois difficiles, comme chez les mariniers. C'est pour ça qu'on aime chanter. I hope you like your name. I hope they don't make fun of you when you grow up and go to school, okay? Cause winter is a badass name. Dear winter, I hope you talk to girls or boys or anyone you like. I just hope you don't stay in every night, cause I wish I was out tonight. Ah, it really doesn't seem like there's anyone for me. But dear winter, I hope you like your name. I'm hoping that someday I can meet you on this earth. Shit, I gotta meet your mom first. Dear winter, I hope you like this song. And even when you're 13 and you scream at me for parenting you wrong, I hope it's still a badass song. Ah, it really doesn't seem like there's anyone for me. But dear winter, I hope you like your name. You know I cannot wait to teach you how to curse. But shit, I gotta meet your mom first. Dear winter, don't move too far away. And please don't say I'm hovering when I text you to ask about your day. I want to hear about your day. Will we still hang out and talk when I'm no longer in charge? Oh dear winter, I hope you like your name. I hope you let me take a shot with you on your 21st. But shit, you gotta ask your mom first. Dear winter, I'm looking for your mom. I gotta find a girl that doesn't mind that I'm inside my head a lot. winter, it won't be too long. First, I just gotta find your mom. Tant de fois que la terre peut faire de tour pour avoir entre mes bras ce que j'attends de l'amour. J'ai croisé tant de regards que j'en ai perdu l'azur. J'ai marché ici dans l'or sans rendre ma solitude. C'est toujours la même histoire. Quand mon cœur ne me suit plus, il y a ma tête loin derrière. Je ne sais pas, je ne sais plus. Et même au fond des verres, il y a son visage qui me revient. Faudrait laisser un peu de bière pour maquiller le mien. J'ai tourné autant de fois que minuit au grand clocher. J'ai toujours au bout des doigts que ce vieux goût de fumée. J'ai croisé bien des sourires sans jamais trouver le mien. J'en ai perdu le goût de rire et d'avancer un peu plus loin. C'est toujours la même histoire. Quand mon cœur ne me suit plus, il y a ma tête loin derrière. Je ne sais pas, je ne sais plus. Et même au fond des verres, il y a son visage qui me revient. Faudrait laisser un peu de bière pour maquiller le mien. Tant de fois que peut le faire une hélice, en souhaitant aux quatre pas, c'était mon dernier tour de piste. C'est toujours la même histoire. Quand mon cœur ne me suit plus, il y a ma tête loin derrière. Je ne sais pas, je ne sais plus. Même au fond des verres, y a son visage qui me revient. Faudrait laisser un peu de bière pour maquiller le mien. Et même au fond des verres, y a son visage qui me revient. Faudrait laisser un peu de bière pour maquiller le mien. This is the day I feel alive, and yeah, I wanna smile. But say I stop complaining about your mess and your lies. Bring down the loneliness, removes all the stress that brought me all along till I can feel my truth.

tant d'histoires dans ton regard et tant de mots dans tes silences, dans le bleu de tes yeux noirs, les vagues de la mer en délivrance. Jamais trop tôt, jamais trop tard, tu es toujours de circonstance. Comme un train qui quitte la gare pour les prairies de ton enfance, quand le soleil dit bonjour, que la nuit rencontre le jour. Avec les yeux de Lucie Star, tu iras loin, tu iras fort. Avec ta voix et ta guitare, tu n'as jamais cherché la gloire. Comme la lumière dans un phare, pour que les bateaux ne s'égarent, la nuit quand la lune est absente. Tu arrives toujours de nulle part, tout comme la marée montante, bien ancrée dans ta mémoire. Soleil dit bonjour, que la nuit rencontre le jour. Une voix me rappelle toujours que peu importe les détours, avec tes yeux de Lucie Star, tu iras loin. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Adia telonge, nabina ou savoir mounyenge, bignola sibi, lobeni moumousima, si tu viens à nika et nous voyons bien à bel émoi, ton mimboumi tomba de bate ya moe tube, à la bête en bas si l'année tomba ailleurs. La bête en bas, si la net en bas, ouais, à maman mi en bas, ouais, maman l'a pas vu, non, non, non, maman ne l'a pas vu, non, non, non, hey, elle ne l'a pas vu, non, et oui, un emballé, maman ne l'a pas vu, non, non, non. Mena loben, matoi lo tate so singa, mwendi mu mwa we, matete na mulema, usiti be ananika e no wanyambe na belemo, tomimbu mi tombande, bate ya mo e dube, ala bet en bas, si la net tomba, aye, ala bet en bas, si la net tomba. pas vu, non, non, non. Hey, hey, elle ne l'a pas vu, non. Et oui, un emballé, maman ne l'a pas vu, non, non, non. Hey, hey, maman l'a pas vu, maman l'a pas vu, non, non, non. Elle ne l'a pas vu, non, non, non. Hey, hey, elle ne l'a pas vu, non. Et oui, un emballé, maman ne l'a pas vu, non, non, non. Ensemble, à soir, je veux prendre un café French. Je veux qu'on se regarde pendant des heures. Je veux te faire l'amour dans ma tête puis mon cœur, comme si c'était notre premier encore. Je veux être nerveux puis que tourne le décor. Souris-moi encore, trouve-moi beau. Je veux sentir ton corps jusque dans ma peau. Que ton petit bonheur contagieux donne les couleurs à mon arc-en-ciel. Tout ce que ça me faut pour être heureux, juste être ensemble au centième ciel. Café French, au goût de nous deux. Café French, ça goûte la vie puis l'essentiel. Café French, au goût de nous deux. Café French, donne-moi ta bouche, te donne la mienne. Encore un autre petit bout ensemble. Je veux prendre un café French. Fait qu'on se fasse rire, qu'on se parle de char. Entendre ta vie parler de la mienne, comme si c'était notre première rencontre. Je veux qu'on se devine, je veux qu'on s'apprenne. Dis-moi tes mots doux si tu veux que je te montre tout ce qui m'habite pour que tu comprennes. Que ton grand calme me calme les nerfs, que ta douceur me donne des ailes. Pas besoin d'être millionnaire, juste être ensemble au centième ciel. Café French, ça goûte le ciel. Café French, au bout de nous deux. Café French, un peu de rose et sur le miel. Juste au premier regard, on est à fou comme dans les vues. C'est sûr, ça nous fait mal quand ça fait clic. Que ton grand calme me calme les mains, que ta douceur me donne des ailes. palabras en una página y percibo que sigue siendo ella. Alcánzame ahora, tímidamente hablar y te digo lo que siento por ti. Un deseo demasiado fuerte. Tengo que sonreír colgando de mí sueños todas las noches y sé que estarás conmigo. Necesito el coraje para hablar de nuestro futuro. Tengo las palabras, estoy terciopelo y tengo miedo que no me deseas. Tu alma se queda en mí. Vida es triste sin ti. Les jours passent encore. Et je me demande si c'est vraiment fait pour moi. Qu'est-ce qu'il a fait bondir, sauter et rugir, de colère ou de joie, de rage ou de plaisir, la marque boutée entre terre et ciel qui fait vibrer ses ailes. Rebelle, rebelle, elle est si touchante qu'autour d'elle tout chante, la nuit comme le jour, et parfois si cruelle qu'on se flinguerait pour elle. Elle est si vivante, drôle et désarmante, qu'on toucherait du doigt ce qui vibre en elle, la toute petite parcelle de l'âme universelle. Elle est si sublime que c'est presque un crime de vouloir l'enfermer parfois entre mes bras. Elle est si volage, si libre et sauvage, que la mettre en cage est juste impensable. Moi j'aime comme elle est, comme je la crois, comme je la sais. C'est c'était bien sûr Monsieur Jacques Higelin. Voici 5 petites minutes. Imaginez-vous qu'il était 16 heures. De cet après-midi à 17h, bien sûr, c'est la rentrée de l'équipe de La Vie Comme Elle Va. Irène et ses amis, Eliane et Jean-Pierre, seront là pour partager leur passion du livre. Et le tout enrobé dans de belles chansons de marins, de belles chansons en l'honneur de notre belle ville d'Orléans. Soyez sur les quais de Loire ou pas, je vous souhaite un très très bon après-midi. Thank you. ensemble on se répare. Je sais où l'on est. On est des toutes petites choses. On se cherche encore un abri. On est des toutes petites choses. Des moineaux tombés du nid. On est des toutes petites choses. Égarées au cœur de la nuit. On est des toutes petites choses. Arriver plein de questions. Et pourquoi de ce monde? Toute une réflexion. Seul devant cette tombe. Seul devant cette tombe. Seul devant cette tombe. Il y a la plaque bronzée pour nous indiquer où est situé cet univers rêvé. Cet univers rêvé, cet univers rêvé. Mais Casablanca n'est plus. Casablanca n'est plus. Ils ont créé un monde, un désert imaginaire. Hollywood féconde, univers temporaire. Univers temporaire, univers temporaire. Mais Casablanca n'est plus. Mais Casablanca n'est plus. Casablanca n'est plus. Casablanca n'est plus. Bread for the streets, fake revolutions. Well, well, well, well. So I say, please, hold on, hold on. We're out of love when you make it back home. Hold on, hold hey. On. Yeah, I say, please, hold on, hold on. We're out of love when you make it back home. rien de carré. Dans ce monde, trop de prières sans réponse. T'as dû te barrer. Conséquence, ils ont prié en ton nom, tout déclaré. Ça fait le sens de tes billets. Shalom, salam, je vous salue, Marie. Je sais pas si ils ont tué ton fils, si t'as fait passer Moïse, si faut jeûner ou pas, si tu tapais Ja ou Loïs. Mais j'aimerais te solliciter, pas pour être joli friqué. Si je vois une liste de situations grippées, inégalité, nord, sud, pauvre, contre fort, tu n'es minorité, torturée, trop de haine. Dès que tu n'es barré, que tu reviens sérieux, c'est le moment là, tu fais recette. PS, dis-moi quand est-ce que l'on s'aime. So I say please, hold on, hold on. We're out of love when you make it back hold home. Hold on, hold on. Yeah, I say please, hold on, hold on. We're out of love when you make it back home. My love for Southern people, my love for Northern people, my love for every people. I pray, I pray. My love for Eastern people, my love for every people. I pray, I pray. Allô le ciel, ici les anges ne sont plus vraiment à la mode. On fait des murs, pas l'amour. On est à court de mis à mort. On laisse la misère à la porte et le bonheur toujours à la bourre. T'es plutôt discret dans le genre. À quand la vraie bonne mise à jour? À quand le vrai beaucoup de foudre savoure comme le goût des mangues? On a tellement perdu le goût d'aimer qu'on a même perdu le goût du manque. Les mêmes vérités qui dérangent et les mêmes qui tendent l'autre jour. La paix serait une autoroute. C'est nous les chauffeurs du dimanche. C'est toi le sauveur, allez rentre. On m'a dit que l'enfer était vide, que tous les démons sont ici, que nos professeurs sont les cancres. Tournons la page, changeons de livre jusqu'à ce que l'amour nous sépare. Ce monde-là n'a presque plus d'encre, ainsi soit-il. So I say please, hold on, hold on. We're out of love, will you make it back home? Hold on, hold on. Yeah, I say please, hold on, hold on. We're out of love, will you make it back home? So I say please. Devant le portail vert de son école primaire, on le reconnaît tout de suite. Toujours la même dégaine avec son pull en laine, on sait qu'il est un stit. Il pleure la fermeture à la rentrée future de ses deux dernières classes. Il paraît que le motif c'est le manque d'effectifs, mais on sait bien ce qui se passe. On est les oubliés. La campagne, les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. À vouloir regrouper les cantons d'à côté en 30 élèves par salle. Cette même philosophie qui transforme le pays en un centre commercial. Ça leur a pas suffi qu'on ait plus d'épicerie, que les médecins se fassent la malle. Y'a plus personne en ville, y'a que les banques qui brillent dans la rue principale. On est les oubliés, la campagne les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. Qu'il est triste le patelin avec tous ses ronds-points qui font tourner les têtes. Qu'il est triste le préau sans les cris des marmots, les ballons dans les fenêtres. La petite boulangère se demande ce qu'elle va faire de ces bons becs qui collent. Même la voisine d'en face, la peur, ça l'angoisse, ce silence dans l'école. On est les oubliés, la campagne, les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. dans les plus hautes sphères, couloir du ministère, les élèves sont des chiffres. Y'a des gens sur le terrain, de la crêpe plein les mains, qu'on prend pour des sous-fifres. Ceux qui ferment les écoles, les cravates et du col, sont bien souvent de ceux qui ne verront jamais, ni de loin ni de près, un enfant dans les yeux. On est les oubliés, la campagne les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. On est troisième couteau, dernière part du gâteau, la campagne les paumés, on est les oubliés. Devant le portail vert de son école primaire, y'a l'instit du village. Toute sa vie des gamins, leur construire un lendemain, il doit tourner la page. On est les oubliés. Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Nita, ta yabon, deni ta yabon. Nita, ta yabon, deni ta yabon. Abdu, uyamal. Nyari malaika la Khawe etikou Tano sisaru Momo Morila Egan gulinga Momo Morila Egan wanga Awe etikou dano sisero Momo monina degam gulinga Momo monina degam wanga Tajabon, deni tajabon. Wale, wale, wale, wale. Abdu Jambar, wale. Nyari malaika la, wale. Sikau lay joge, wale. Dano si zarum, wale. Munila wale degam juliga wale munila wale degam woga wale ah thank you. jusqu'à 17h, vous avez quelques moments devant vous. N'hésitez pas à écouter La vie comme elle va, le retour pour une nouvelle saison. Retrouvez Irène et ses amis, Eliane et Jean-Pierre, pour une émission consacrée aux livres. Bienvenue les amoureux des livres. Rien ne sera comme avant, d'avoir été frôlé par le temps fugace. Tout s'en va, s'envole, passe, passera. La vie s'en vient en vague comme l'océan qui ne s'endort ni se lasse. Tout ce qui se voit n'est pas pareil à ce qu'on verra dans une seconde. Tout renaît toujours des cendres. Que já foi dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como mar, num lindo e lindo infinito. Tudo ce qui se voit n'est pas pareil à ce qu'on verra dans une seconde. Tout renaît toujours des cendres du monde. De quoi bon tenter d'écrire, retenir sur le sable la trace. Elle arrive et tout s'efface. dans le nord, loin de la ville, seul depuis ton départ hier soir. Tu reviendras, mais je n'y habitue pas, je n'y habituerai jamais. Il y a bien de l'or que je donnerai pour revivre la dernière semaine à tout jamais. J'ai attendu trop d'années, je ne veux pas attendre une autre année. Quand je vois les autres s'aimer comme on devrait, je me laisse tomber dans le vide et puis on verra. Je t'envoie une lettre où l'amour sera là sans détour à ton nom, en mon nom. Qu'importe à qui avant j'écris, je te garde promis mes derniers mots et ma dernière chanson. T'as peur sans trop savoir ce que tu veux et t'as plus confiance en la vie. Moi j'ai confiance en toi, tu devrais essayer. Quand tu voles dans le ciel comme un ange là-bas, quand tu chantes et que tu rêves, est-ce qu'au moins tu vois que t'as le monde à tes pieds? Moi je le suis depuis des années. Quand je vois les autres s'aimer de tout près, je me laisse tomber dans le vide et on verra. Je t'envoie une lettre où l'amour sera là sans détour à ton nom, en mon nom. Qu'importe à qui avant j'écris, je te garde promis mes derniers mots et ma dernière chanson. Depuis ton départ hier soir, tu reviendras mais je n'y habitue pas, je n'y habituerai jamais. La dernière ma dernière chanson. Je t'aimerai jusqu'au jour où finira ma vie. À la fin du parcours, à l'aube de ma nuit, je m'en irai le cœur heureux, puisque j'aurai ton ciel dans le fond de mes yeux. Je t'aimerai jusqu'au jour où finira ma vie, puisque c'est écrit. Je t'aimerai jusqu'au jour de la fin de ma vie. Lorsque viendra mon tour pour le dernier rideau, j'emporterai l'amour et le goût de ta peau. Tous ces instants d'éternité qu'aucun dieu de l'enfer ne pourra me voler. L'amour ne peut mourir car il est infini, puisque c'est écrit. Je ma vie. Je reviendrai parfois me glisser dans tes rêves. Le vent sera ma voix, mon souffle sur tes. Lorsque viendra le soir de ce dernier sommeil, je regarderai seul se coucher mon soleil. Mais j'essaierai de te sourire, et ta main dans ma main, je pourrai m'endormir. Je t'aimerai toujours au-delà de la nuit, puisque c'est écrit. Je t'aimerai d'amour au-delà de la vie. Je n'aurai qu'un regret, celui de te. Au ciel d'éternité, je t'aimerai jusqu'au jour où tout sera fini. À la fin du parcours, à l'aube de ma nuit, je t'aimerai d'amour au-delà de ma vie. C'est écrit. Ma baraque, un abri, mes peines, comme une crèche ou une piole. C'est ma cabane, mon Amazon, parce qu'il y a toi dedans. C'est beaucoup mieux, parce qu'il y a toi dedans. Parce qu'il y a toi dedans. C'est beaucoup mieux, parce qu'il y a toi dedans. Beaucoup mieux. Le papier Louis, le papier Louis, rien de l'œil, le papier Louis. C'est un château, tout un manoir, une grande villa, mon purgatoire, mieux qu'un hôtel, plus personnel. C'est ma maison, un pavillon, parce qu'il y a toi dedans. C'est beaucoup mieux, parce qu'il y a toi dedans. Parce qu'il y a toi dedans. C'est beaucoup mieux, parce qu'il y a toi dedans. Thank you. chance, un habitat, un domicile sans trop de fla-fla, mon doubercaille, ton peu de pété, mon bordel résidentiel, parce qu'à toi dedans, c'est beaucoup mieux, parce qu'à toi dedans, parce qu'à toi dedans, c'est beaucoup mieux, parce qu'à toi dedans, c'est beaucoup mieux. J'ai pas pire lui, j'ai pas pire loin, rien de rien. J'ai pas pire loin, j'ai pas pire loin, j'ai pas pire lui, j'ai pas pire. Sur un piédestal, et je ne comprends même pas les règles du jeu. C'est moi qui ai droit, qui dû prendre pour gagner. Qui rêve pour 10 minutes de gloire? On me vend comme de la viande. Qu'est-ce que je suis? L'aveuglement dans les regards se voit, tu remarqueras tenter de découvrir la terre, écouter l'autre et s'enrichir de ça. Ça nous changera. On se plaint d'être seul, on ne pense qu'à soi. Arrêtons de faire la gueule, il y a tant d'autres choix. Je me suis plaint d'être seul, je n'ai pensé qu'à moi. J'en ai pris plein la gueule, j'ai dû changer tout ça. Et je garde ton sourire en souvenir, quoi qu'on en dise, la richesse et les gens. Et je garde ton sourire en souvenir. J'ai fait les comptes, l'amour et mon argent. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. On dit que l'enfer c'est les autres. Un changement est-il possible en soi? Sommes-nous en état? J'ai vu des hommes s'ouvrir au monde et profiter de chaque seconde qui bat. Ça je n'oublierai pas. On se plaint d'être seul, on ne pense qu'à soi. Arrêtons de faire la gueule, il y a tant d'autres choix. Je me suis plaint d'être seul, je n'ai pensé qu'à moi. J'en ai pris plein la gueule, j'ai dû changer tout ça. Et je garde ton sourire en souvenir, quoi qu'on en dise, la richesse et les gens. Et je garde ton sourire en souvenir. J'ai fait les comptes, l'amour et mon argent. Ton sourire en souvenir, quoi qu'on en dise, la richesse et les gens. Et je garde ton sourire en souvenir. J'ai fait les comptes, l'amour et mon argent. Il a laissé sans nouvelles mon cœur de miel. Il n'est plus pareil. Sans abeilles, mon cœur de miel. Il est parti comme un soleil au milieu de la nuit. Venu chercher mon sommeil chez un autour. Flotte à moi toutes ces pensées qui se sont immiscées par la porte d'entrée, pourtant si bien gardée. Il a laissé son nouvel mon cœur de miel. Il n'est plus pareil, sans abeille, mon cœur de miel. Secret. Toujours aux aguets, de signes j'attends. Un jour je sais qu'il me trouvera, celui qui me fera fondre. Sorti des milliers au plat, tout en bravant le vent. Il a laissé son nouvel

Ah ouais? Non mais tu préfères emprunter de l'argent à ta banque ou tout miser sur la pétanque? T'as raison, je vais voir sur banquebcp.fr et contacter ton conseiller. Il va sûrement pouvoir m'aider à financer mes études. Banque BCP. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Il est 17h.